Le groupe de félicitations des Coréens au Japon pour le 68e anniversaire de la fondation de la République populaire démocratique de Corée, conduite par Koo Dae-suk, président de l'association de l'enseignement des résidents coréens au Japon, est arrivé le 6 courant par avion à Pyongyang. Il a déposé un bouquet de fleurs devant les statues en bronze du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il érigées sur la colline Mansu avant de rendre hommage.